que j'avais dit, quand quelqu'un arrive sur le bien-être social, une des premières choses qu'il faut y dire, c'est que c'est pas le temps de faire un bébé. C'est pas le temps de faire un bébé quand t'es mal pris. Et moi, cette façon des gens mal pris d'essayer de se prolonger par un enfant, j'ai tellement de misère à comprendre ça. Mais puis je sais que tu veux pas l'empêcher de façon... Parce que quand on entend ça, il y en a là, qui exagèrent puis qui disent « Ah, oh, c'est ça, elle veut dire qu'il faut peut-être faire en sorte de les rendre pour non. les empêcher. » C'est pas ça. Le point, je non, sais très bien où tu vas en venir. L'aide sociale l'aurait présenté trop souvent comme un droit. Mais c'est parce qu'en plus, le problème, c'est que ces gens-là... Il faut leur expliquer, vous allez vivre de la charité publique. Ouais. Il y a des gens qui vont se lever tous les matins, qui vont aller gagner durement votre vie, puis leur vie, qui vont donner de l'argent à l'État pour qu'on vous aide. OK, vous essayez de vous en sortir, puis la façon de vous en sortir, c'est pas de faire des bébés maintenant. Faites-les plus tard quand vous serez sorti de la chounoute. Mais le problème, c'est qu'au Québec, on encourage ces gens-là, souvent les plus démunis, monétairement parlant, pour eux, ça devient plus payant d'avoir des enfants. Il y a là le problème. Oui. Les seules femmes qui améliorent leur sort en tombant enceinte, sont effectivement les plus mal prises de la société. Mais ça, c'est mal vu. Mayou a dit la même chose dans son livre, là, puis Sophie Durocher du Journal de Québec, je sais pas si t'as vu, là, a été scandalisée de voir qu'il disait qu'au Québec, malheureusement, on encourage ces gens-là à avoir des enfants, alors que c'est peut-être pas le bon message à envoyer. Exactement. Puis tu sais, quand j'entends des gens dire « Ah, oh, les garderies, il faudrait que les riches payent plus cher, là », vous allez faire quoi? Encourager les plus mal pris à se reproduire et les mieux nantis à ne pas trop le faire? Oui, parce que pour la famille normale de col rouge, avoir des enfants, une des premières questions que les gens vont souvent se poser, c'est on a-tu les moyens parce qu'ils savent à quel point ça va coûter cher, les lunettes, les dents, la garderie, les médicaments, alors que pour les BS, tout ça est fourni, puis le chèque, en plus, augmente. Ouais. Puis on s'entend que ce qui est considéré comme étant riche ou disons bien à l'aise, c'est des fois pas tant que ça, là. Non, regarde, on est rendu considéré riche quand t'as un revenu familial de 75 000. Mais c'est ça. À deux, là, ouais. C'est pas tant que ça. Mais non. Mais je trouvais l'histoire de Sonia Blanchette terrible. Tu sais, elle était mal prise, elle était en désarroi psychologique au point qu'elle a noyé ses trois enfants. Puis maudit, elle est enceinte. Ouais, moi des fois, je pense... Il y a un gars qui a fait un bébé. Avec ça. Puis en plus, c'est quand tu disais que la vie est pas juste pour ceux qui naissent, mais même là-dessus, sur la question de la naissance, au nombre de bonnes familles, je dis bonnes dans le sens normal ou bonnes, qui veulent avoir des enfants, qui font des démarches incroyables et qui sont pas capables, elle va en avoir eu quatre. Ouais. La vie est pas juste. Donc trois en parfaite santé qu'elle a noyé, puis l'autre en plus qu'elle a sérieusement handicapé. Je suis d'accord avec toi. Là, lui, sa vie, là, ça va être un défi. Garde bonne chance. Puis oui, il y a des belles histoires. Puis il y a des gens qui s'en tirent, mais bon. Oui. T'sais, faut pas. Mais quelque part, il y a une souffrance avec laquelle il va devoir grandir. Exact. Et il va peut-être effectivement grandir et s'améliorer parce qu'il y en a qui y arrivent effectivement. Oui. Merci. Mais il y a là pour cet enfant-là un défi terrible. Merci beaucoup, Myriam. On se parle demain, 9h33, au FM 93.